السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Est-ce que vous m'entendez, Inch'Allah? Si quelqu'un peut mettre un message pour voir si on entend bien, Inch'Allah ou Ta'ala, barakallahu fikum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. La louange appartient seule à Allah, subhanahu wa ta'ala, qui nous a comblés de ce bienfait. Ce bienfait qui est ce séminaire religieux. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a permis, pendant ce mois béni de Ramadan, de pouvoir faire ce séminaire. Puis je remercie le directeur du Merkez Al-Ghuraba, qu'Allah le préserve et le facilite, Youssouf Abu Abdelrazzaq, qui a organisé ce séminaire religieux. Et je remercie le Cheikh Mustafa Mabram, qu'Allah le préserve, d'avoir participé, ainsi que nos nobles frères participants par la suite. Car comme nous a enseigné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme de le hadith de Abu Huraira, authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, celui qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Allah. Je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet, barakallahu fikum, souhaiter la bienvenue à tous mes frères et sœurs en Allah, à qui Allah a permis d'assister à ce séminaire, par leur présence ici avec nous, via la radio. J'aimerais donc souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous en lui disant Marhaban, Marhaban bi talib al-ilm. Bienvenue à celui qui demande la science religieuse. Ceci étant dit, comme vous avez pu le constater à travers les réseaux sociaux, le sujet de cette série de cours portera sur l'explication de la partie de Juz Amma, le tafsir de Juz Amma, qui est de la surat An-Naba, la grande nouvelle, la nouvelle, jusqu'à la fin du Coran, de surat An-Nas. On va essayer, par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, de finir pendant tout ce mois de Ramadan. Et les cours sont tous les jours à 20h, heure de France. Et il durera, Inch'Allah ou Ta'ala, à peu près 30 minutes, qu'Allah nous permette de finir. Avant de commencer, j'aimerais vous dire, inshallah ou ta'ala, que je me suis basé sur plusieurs tafsir, tels que le tafsir de Cheikh Saadi, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est le plus simple, qui est un tafsir qui est recommandé par nos savants de la sunna, notamment pour les débutants. Mais il y aura aussi d'autres paroles, telles que le tafsir d'Ibn Kathir, rahimahullah ou ta'ala, ainsi que nos savants contemporains, tels que Cheikh Al-Fawzan, et Cheikh Al-Uthaymin. Qu'Allah leur fasse miséricorde et préserve ceux qui sont vivants. On va donc commencer tout de suite, Inch'Allah wa ta'ala, par Surat An-Naba. On va commencer par le haut et descendre petit à petit. Surat An-Naba, la nouvelle, qui est une sourate mécoise. Quelle est la différence entre une sourate mécoise et médinoise? La sourate mécoise est celle qui est descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca avant la hijra. Et la médinoise, c'est celle qui est descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine après la hijra, comme l'ont défini les savants. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. يقول الله سبحانه وتعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. الله سبحانه وتعالى dit dans l'introduction approximative: sur quoi s'interrogent-ils mutuellement? عما يتساءلون. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'on l'appelle aussi sourate عما, parce qu'elle commence par عما. Sur quoi s'interrogent-ils mutuellement? C'est-à-dire sur quelle chose s'interrogent-ils ces associateurs, ces mécréants, ceux qui traitent de mensonge le Coran? Pourquoi s'interrogent-ils? Cela car certes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il les a appelés à l'islam, au tawhid, et qu'il leur a informé de la résurrection après la mort, le jour du jugement, et qu'il a récité sur eux le Coran, ils se sont mis à s'interroger mutuellement en se disant « Avec quoi est venu Mohammed? Quelle est cette chose avec laquelle il est venu ?» Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala donne la réponse à cette question. Sur la grande nouvelle, anin naba'il azim. Cette immense nouvelle, quelle est cette immense nouvelle? C'est tout ce avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme révélation et comme guidé. Le Coran, comme on dit beaucoup de savants. Et plus particulièrement, ce qu'a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le jour dernier, le jour du jugement, ainsi que la résurrection et la rétribution. Voilà l'immense nouvelle. Alladhi hum fihi mukhtalifun. À propos de laquelle ils divergent. Les gens ont certes divergé sur cette grande nouvelle parmi les associateurs, parmi ceux qui traitaient de mensonge le Coran, parmi les mécréants, et parmi les autres gens, ils ont divergé sur cette grande nouvelle avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a parmi eux qui ont cru et rendu véridique, walillahi alhamd, et ont accepté l'islam. Et parmi eux, ceux qui ont mécru et traité de mensonges. Et parmi eux, ceux qui ont douté et hésité. Allah subhanahu wa ta'ala nous explique que certes, ceux qui ont démenti le Coran, ceux qui ont démenti ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauront bientôt ce qu'ils ont démenti. Ils sauront d'une science certaine, l'œil de la certitude, Cela lorsqu'ils verront le jour du jugement de leurs propres yeux. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Al-A'raf, verset 53, on va traduire directement les versets. Le jour où sa véritable réalisation viendra. Ceux qui auparavant l'oublieront, ceux qui auparavant l'oubliaient, diront « Les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité. » Fin du verset. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit par la suite « Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. » Eh bien non, ils seront bientôt, encore une fois, non, ils seront bientôt. Kalla, c'est une parole pour les réprimander, pour les blâmer. Allah subhanahu wa ta'ala les a blâmés pour cette divergence. Eh bien non, ce n'est pas comme prétendaient les associateurs qui démentaient le jour de la résurrection, qui démentaient le jour du jugement, le Coran. Ils sauront d'une science certaine ce qu'Allah leur a promis. Ils sauront lorsque le châtiment descendra sur eux, wal'iyadhu billah. Lorsqu'ils seront brutalement poussés au feu de l'enfer, à ce moment-là, ils ne pourront plus le traiter de mensonge parce qu'ils voient de leurs propres yeux. Allah subhanahu wa ta'ala dira « Voilà le feu que vous traitiez de mensonge !» Et Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous dit à propos de ce verset « Ceci est une menace sévère et une promesse certifiée d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Et kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Le deuxième verset ici, thumma kalla saya'lamun. Encore une fois, non, ils seront bientôt. C'est pour certifier. Pour encore plus certifier. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ensuite les preuves et les signes de la création. Que les associateurs et les mécréants et ceux qui traitaient de mensonge la résurrection peuvent voir de leurs propres yeux des signes et qu'ils reconnaissent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. الله سبحانه وتعالى dit dans la traduction approximative Alam naj'al al-arda mihada. N'avons-nous pas fait de la terre une couche? Ici, c'est une interrogation pour confirmer. N'avons-nous pas fait de la terre une couche? C'est pour certifier. Le sens est, certes, nous avons fait de la terre, ou nous avons fait de la terre, n'am, sur laquelle vous marchez, une couche. C'est-à-dire, ne vous avons-nous pas comblé de bienfaits en faisant de la terre une couche, un lit? C'est-à-dire que la terre a été aplanie, nivelée, pour vous, pour votre bien, de telle sorte que vous puissiez, sur cette terre, marcher, préparer vos cultures, construire vos foyers, et construire les routes sur lesquelles vous vous déplacez. Allah subhanahu wa ta'ala l'a préparée. Il l'a aplanie. Elle n'est pas rigide, ferme pour ne pas labourer. Et elle n'est pas non plus trop molle et souple pour ne pouvoir profiter d'elle. Mais et profiter d'elle et vivre hein, et construire, etc., comme on l'a cité, mais à les préparer de façon parfaite pour eux, selon les intérêts et leurs profits. Qui a créé cette terre vaste et qui l'a nivelée? N'est-ce pas Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est capable de créer cela? N'est-il pas capable de faire ressortir, de faire ressusciter les morts le jour de la résurrection? Pas de doute qu'il en est capable. Waljibala autada, et placer les montagnes comme des piquets. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a placé ces montagnes comme des piquets pour la terre. À l'exemple du piquet pour la tente. Quand tu places une tente, tu mets des piquets pour pas qu'elle bouge, pour qu'elle soit ferme, fixe. Hein, de telle sorte qu'elle ne bouge pas, qu'elle soit fixe, qu'elle soit immobile, ferme. Allah subhanahu wa ta'ala en a fait de même pour les montagnes. Elles retiennent la terre afin qu'elle soit stable et qu'elle ne bouge pas. D'ailleurs, même les géologues, à cette époque, hein, disent que ces montagnes ont des racines fermes dans la terre. Hein, comme sans racine, le piquet de la tente. Hein, et c'est pour cela que tu vois ces montagnes, elles sont fermes, elles sont solides. Est-ce que tu les vois bouger? Non. Les vents ne les perturbent pas et ne les secouent pas. Cela fait partie de la perfection de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que ses bienfaits. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. Et nous avons créé, et nous vous avons créé en couple. C'est-à-dire hommes et femmes. D'une seule espèce. Afin que chacun vive avec l'autre en toute tranquillité. Afin qu'il y ait de l'affection et de la miséricorde entre vous. Et il résulte une descendance. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans la traduction approximative. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Cela fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas spécifique pour les êtres humains, même pour les animaux, la végétation. Toutes les choses sont en couple généralement, hein, dans le but de préserver l'espèce. Hein, et celui qui a créé en couple, celui qui vous a créé en couple, n'est-il pas capable de vous ressusciter le jour de la résurrection? Bien sûr qu'il en est capable, à plus forte raison. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Et désignez votre sommeil pour votre repos. C'est-à-dire un repos pour vous. Et une coupure pour vos occupations. Celle que si elle serait continuelle, elle porterait préjudice à vos corps. C'est-à-dire que le repos ici, il vient couper la fatigue. Est-ce que tu peux pas dormir pendant 2-3 jours? Tu vas sentir la fatigue directement. Tu ne peux pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a désigné le sommeil pour se reposer. Hein, la personne, alhamdoulilah, retrouve ses forces quand elle se repose. Elle redevient active. Et cela fait partie des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Hein, et parmi ces signes, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans un verset, dans un autre verset, dans Surat Ar-Rum, les Romains, dans la traduction approximative, et parmi ces signes, votre sommeil, la nuit et le jour, et aussi votre quête de sa grâce. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait du sommeil un repos, une tranquillité, hein, pour être apaisé, serein, comme si on était mort. C'est-à-dire que lorsqu'on se repose, qu'on dort, hein, c'est pour ça qu'il appelle la petite mort. On le ressent même pas. On est vivant, alhamdoulilah, mais les âmes ne nous ont pas quittés. C'est à ce moment-là, alhamdoulilah, qu'on retrouve hein, nos forces. Hein, et c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا et fait de la nuit un vêtement. C'est-à-dire une couverture qui cache toute chose par son obscurité. Allah a fait que la nuit et le sommeil enveloppent les gens pour que leurs mouvements ou pour que vos mouvements qui vous portent préjudice s'arrêtent et que vous puissiez connaître un repos bénéfique. Naam. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا et a assigné le jour pour les affaires de la vie. C'est-à-dire que le jour, alhamdulillah, il y a la lumière, c'est éclairé, la nuit est partie, pour que les gens puissent vivre en cherchant la subsistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour rechercher les faveurs d'Allah azza wa jal. Les gens partent et reviennent pour acquérir leur subsistance, pour leur commerce et autre chose. Allah a fait du jour une cause pour les affaires de la vie. Et ceci est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs, qui implique de le remercier à chaque instant. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا et construit au-dessus de vous sept cieux renforcés. Ce sont les sept cieux. Allah les a décrits comme renforcés, car elles sont d'une extrême force et d'une solidité. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, le ciel, nous l'avons construit par notre puissance, et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Ici, Allah, il a dit, bi-aidi. Ici, il faut pas confondre avec les mains, aïd. Ici, c'est la force, la puissance. Il a fait de ces cieux un toit pour la terre. Il y a dans ces cieux beaucoup de bénéfices pour vous. Et c'est pour cela qu'il a cité parmi ces bénéfices, dans le verset suivant, le soleil. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا et y avons placé une lampe, c'est-à-dire le soleil, très ardente. C'est-à-dire le soleil est une lampe qui brille, qui éclaire et qui possède également de la chaleur ardente. Elle éclaire tout l'univers et sa lumière se dirige vers tous les gens de la terre. Naam. Donc non seulement il y a deux bénéfices ici à tirer. Non seulement elle éclaire par sa lumière, les gens en tirent bénéfice. Et en plus, elle possède également de la chaleur ardente. Tayyib. L'imam Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans l'explication de ce verset, Allah nous informe de cette lampe qui est un bienfait par sa lumière, qui est une nécessité pour les créatures, et informe ensuite sur le fait que cette lampe est ardente par sa chaleur et pour montrer les bienfaits qu'il y a dans cette chaleur. Et d'ailleurs, le soleil, la plus grande chaleur qu'on peut trouver dans le monde, ça vient d'un souffle de l'enfer. Wal'iyadu billah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agré, l'enfer s'est plaint auprès de son Seigneur et a dit « Ô Seigneur, mes parties se dévorent les unes des autres. » Alors il a permis deux souffles, un souffle en hiver et un souffle en été. C'est ce que vous trouvez comme chaleur la plus intense et comme froid le plus intense. Le hadith est authentifié par Al-Bukhari wa Muslim. Comme froid le plus intense. Comme en enfer, comme on le verra, tellement que c'est glacial, ça brûle. Tellement que c'est froid. Mais malgré cela, alhamdoulilah, il y a un certain grand intérêt pour les gens. Il y a l'économie de l'argent pour la lumière. surtout à l'époque, hein, dans la journée, car il se passe d'allumer les lumières, tout ça par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans parler de l'énergie qu'on extrait du soleil. Il y a tellement de bénéfices, il y a la poussée des plantes, des fruits, etc., et beaucoup d'autres bienfaits. وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. Et pour venir à ce verset, c'est-à-dire quand y avons placé une lampe, le soleil très ardente, qui a créé cela? N'est-ce pas Allah seul, subhanahu wa ta'ala? Celui qui est capable de cela, n'est-il pas capable de ressusciter les morts? Hein? Ce que vous avez renié et démenti, en parlant des associateurs et des mécréants, ceux qui ont traité de mensonges. Hein, il ne renie pas ces signes, le soleil, tout ce qu'on a cité, il ne les renie pas. Ils ne peuvent les renier. Hein, c'est une preuve contre eux. Et fait descendre des nuées une eau abondante. C'est-à-dire des nuages. Il fait descendre des nuées une eau abondante. C'est-à-dire des nuages ici. Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'exemple de l'eau qui tombe des nuages comme l'eau qui tombe d'un vêtement essoré. Lorsque tu essores un vêtement, t'as vu toute l'eau qui tombe? C'est la même chose. Al-mu'sirat. Hein, celles qui ont été pressées comme si on les avait pressées pour pleuvoir cette eau par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala ici une eau abondante. Car si elle aurait été non abondante, si elle aurait été peu, elle n'aurait pas arrosé la terre comme il se doit. Hein, c'est-à-dire qu'elle se déverse et jaillit en abondance par succession. Hein, thajjaja, hein, en abondance par succession, jusqu'à arroser, walillahi alhamd, la terre. Ce qui donne après des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala y cite par la suite. لنخرج به حبا ونباتا pour faire pousser par elle grains et plantes. C'est-à-dire qu'on fait sortir par cette eau abondante, bonne et bénie, qui descend du ciel vers la terre des grains et des plantes. Elle fait pousser toutes sortes de grains. Allah subhanahu wa ta'ala fait sortir par ces grains du blé, de l'orge, du maïs, du riz et d'autres choses. Que mangent les gens? Hein, les plantes qui donnent toutes sortes de fruits et légumes par le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même les animaux, ils en profitent. Naam. Tayyib, qala لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافة وجنات Alfafa, et jardins luxuriants. C'est-à-dire ici des jardins rassemblés les uns des autres, bien garnis de toutes sortes de fruits, de différentes couleurs, de goûts et d'odeurs. Comme nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Ar-Ra'd, verset 4. Et sur la terre, il y a des parcelles voisines, les unes des autres, des jardins plantés de vignes et des céréales et des palmiers, en touffes, ou espacés, arrosés de la même eau, cependant, nous rendons supérieurs les uns aux autres quant au goût. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent. Hein, celui qui vous a comblé de tous ces bienfaits immenses, qui ne peuvent être estimés ainsi que dénombrés. Qui est capable de faire cela? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-il pas capable de ressusciter les morts? Comment pouvez-vous mécroire en lui? Hein, les mécréants, les associateurs, ceux qui traitaient de mensonges le jour de la résurrection, le jour du jugement, le jour de la rétribution. Comment pouvez-vous mécroire en lui et traiter de mensonges ce qui vous a informé, à savoir le jour de la résurrection et du jugement? Pire encore, comment pouvez-vous, ou comment vous aidez-vous de ses bienfaits pour lui désobéir? Et pour renier ses bienfaits dont Allah subhanahu wa ta'ala les a comblés. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit juste après, Inna yawm al-fasli kana miqata. Le jour de la décision a son terme fixé. Et demain, inshallah wa ta'ala, on continuera à partir de ce verset. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا وإلى لقائنا غدا في à la même heure inshallah on se donne rendez-vous نعم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته